ça c'est une pièce de bois dont vous parliez pour faire les panneaux qui freinent un peu. Ok, joli. En plein cœur de la cité, sur les bords de la Loire, la construction navale rythme depuis des siècles la vie des Nantais. Au cours de l'histoire, plus de 2500 navires sont sortis des chantiers. Depuis les barques de Paix et de Menet, les caracs de Nef du Milieu Nord, les briques du Galion et autres vaisseaux marchands et corsaires des 18e et 19e, en passant par les fameux caporniers du début du siècle et jusqu'au quart ferry de ces dernières années. Toutes ces réalisations ont porté la renommée de Nantes sur toutes les mers du monde. Chaque lancement, chaque départ d'un nouveau navire nous fait vibrer le cœur des Nantais. Et ce soir encore, ils seront au rendez-vous. Autour de la cale, on s'active, une étoile. Le navire, en fin de construction, comme une œuvre achevée, est débarrassé de tout ce qui a permis sa construction. Chaque morceau est immédiatement souqué à la basse ou à la gueuse, au rythme donné par un chanteur. C'était encore au début du siècle, au rythme de Jean-François de Nantes et quelques autres chants de marins, que ce travail était exécuté. S'étale sur un jour et demi environ. Il ne sera terminé que quelques heures avant le lancement. Après le graissage des couettes, ces longs madriers qui veilleront à l'équilibre du navire pour sa glissade, le bateau est prêt, la pente également. Mais une dernière difficulté doit être surmontée. Car la loire n'est pas large en face de la cale et le navire ne doit pas heurter le quai en fin de course. Un dispositif de freinage doit donc être mis en place. Il est composé de deux trains de blocs de béton disposés de chaque côté de la cale et reliés au navire par d'énormes chaînes et élingues d'acier. Ce grand panneau rectangulaire placé à l'arrière du navire complète le dispositif. Côté chantier, tout est prêt. Mais la loire aussi doit se préparer à l'événement. Et depuis quelques jours, ce sont les hurlements de la drague qui réveillent les Nantais. Mission accomplie pour les travailleurs de Lubijou. Demain, séjour de fête, on lance le navire. Cependant, tout n'est pas fini. L'effort à fournir est compensé par la fierté, le sentiment de participer à quelque chose de beau et de grand. Les quelques heures qui nous séparent du lancement sont bien remplies. Tout au cours de la journée, il faut tomber les accords, ces grandes pièces de bois qui soutiennent les bordées du navire au cours de sa construction. Cette opération se déroule dans un ordre très précis et minuté, sous l'œil vigilant du responsable de lancement. D'après-midi, tous les calages restants sur le navire sont enlevés. Le bateau ne repose plus alors que sur la coulisse et n'est plus rattaché au chantier que par une tôle. La tôle est retenue en tête de cale qui sera découpée tout à l'heure. Tout est prêt pour le lancement qui ne dépend plus que de la mâle. Une boue est larguée en loire. Elle permettra de saisir l'instant précis où, le courant étant nul, on pourra lancer le navire. Fidèles à ce rendez-vous depuis des générations, les Nantais sont là, nombreux. Les travailleurs aussi sont revenus, avec femmes et enfants, fiers de l'œuvre qu'ils ont construite et s'interrogeant sur l'avenir. Un navire quitte le chantier. Sera-t-il remplacé ?